cité, ils partent en guerre pour un monde idéal. Les chevaliers du Zodiac s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Les chevaliers du Zodiac contre les forces démoniaques. Et rien ne les effraie. Et...